loco, loco, ensemble, tous ensemble, que nos troupes se rassemblent. Dans nos cœurs on se ressemble, face à Babylone, on est supérieurs en nombre. Réunissons-nous dans un monde que l'on fonde. Ensemble, tous ensemble, que nos troupes se rassemblent. Dans nos cœurs on se ressemble, face à Babylone, on est supérieurs en nombre. Réunissons-nous dans un monde que l'on fonde. Oui, les boys et le Hocknest, au microphone. Il est temps de faire face à Babylone. Tout le système, on le dégomme, on le baise. Réunissons-nous en vitesse. La combinaison qui change la donne. Sur la même chanson, sur le même trône. Visage pâle, renois ou chinois, tout son cartonne. Ça fait trop longtemps qu'on est mal à l'aise. Pour tous les pays, on dédicace. Tous les vampires, je leur dis que ça rase. Ça passe ou ça casse, oh yo yo yo. Les citras je les tiens en laisse. Mes frères ayons plus audace. Il ne faut plus voiler la face. Que tous nos soucis s'effacent. On veut du bonheur et de l'allégresse. Ensemble, tous ensemble, que nos troupes se rassemblent. Dans nos cœurs on se ressemble. Face à Babylone on est supérieurs en nombre. Réunissons-nous dans un monde que l'on fonde. Ensemble, tous ensemble, que nos troupes se rassemblent. Dans nos cœurs on se ressemble. Face à Babylone, on est supérieurs en nombre. Réunissons-nous dans un monde que l'on fonde. On réunit tout le monde, quelle que soit ton origine, ta religion. Vas-y, rentre dans la ronde, sans discrimination. On réunit tout le monde, de Paris à Marseille, Nord, Sud, Est, Ouest, de la France au Niger. On est tous égaux sur cette terre, soyons solidaires, pour que les liens se resserrent. Ensemble, avec nos forces et nos atouts, on est prêt à tout. On est solidaire face à la demeure et les problèmes, on en viendra à bout. On a toutes des qualités, renois, rap, chinois, bap, tout. Notre force est métissée et le monde est à nous. On est venu partager les richesses avec tous les incous.